Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec notre fine équipe. Enfin, fine. Ça va, ta gueule. Voilà. À ma droite, le Jurassic Park des ondes, le Triceratops de la FM, le Terra Nova de la radio, Bob du club. Salut les filles. Il collectionne toutes les blagues les plus mignonnes de l'histoire de la radio, dont la fabuleuse blague de la couche. Ah non, ça suffit avec ça. Ça suffit avec ça. Il vous la fera peut-être en antenne. Oh non, c'est GG. Je crois qu'on n'avait pas le droit de la passer, celle-là. Face à eux, nous avons bien sûr un autre permanent dont on attend le grand retour sur scène. Mais c'est prévu. Ah, oui. Ah bon. Ah, il y a une date ou... Oui, le 13 septembre. Mais il n'y a pas d'année encore. Pardon ? Il n'y a pas encore l'année. Non, pas encore. Ça nous arrange pour l'air vif. C'est Frédéric Coster. Ah, bien. L'émission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Ah, oui, bravo. Oh, bravo, Davy, bravo. Et animée par Marthe Mercadier. Ah, mais elle est décédée. Oui, non, ça va pas, non. Ah, non. Mais non. À l'heure, bon, elle, à l'heure où nous enregistrons cette émission, elle n'est pas décédée. Non, non, puisqu'elle est au micro. Alors, Frédéric, oui, comme Philippe. Chaque semaine, oui. Tu as, car oui. Tu n'as pas encore. Pardon. Tu as convié des invités. Et cette semaine, Bob va être content parce que nos invités sont deux et il y a une fille. Oui. Ah. Il s'agit de Marie Monchâtre et Jean-Marc Magnoni qui jouent dans la pièce Les Emmerdeurs. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Donc les Emmerdeurs. Oui. Donc c'est une pièce. Alors donc c'est une pièce de théâtre. Alors, c'est ça. Alors ouais, c'est une pièce de théâtre. Enfin c'est une succession de sketchs. Un spectacle de sketch. Voilà, c'est un spectacle de sketch, mais en fait c'est carrément une pièce parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire entre les sketchs où en fait Marie est obligée de jouer avec la doublure de Jean-Marc Magnoni. Donc je joue ma doublure. Hein, d'accord. Je joue ma propre doublure. Oui. C'est un concept. Oui oui. Il y a des fois des gens me disent mais vous êtes qui en fait. C'est drôle. Oui. Et en fait elle ne peut pas me supporter. Elle me déteste à mort et elle m'en fout plein la gueule pendant tout le spectacle. Et donc, à travers chaque sketch, en fait, il y a un debriefing après chaque sketch où logiquement ça se passe dans les coulisses, où logiquement les gens ne le voient pas. Et en fait, ça se fait sur scène. Et c'est. Elle est horrible avec moi, elle est vraiment horrible. Non, elle c'est vrai ça, c'est pas possible. Si, ça a l'air d'être un ange. Ouais, oui. C'est juste l'air en fait. C'est une illusion. Ah. Elle est comme alien. Comme alien. Voilà. Mais j'ai comme l'ADN. Il y a des publics qui croient vraiment que je suis comme ça dans la vie et qui ne m'aiment pas du tout. Ah ouais, c'est pas très, très évident à vivre en fait. Oui, on a, l'anecdote, il y a eu 2-3 jours, c'était très drôle parce qu'à la sortie, en fait, on sort, on donne les tracts aux gens, on leur donne une affiche pour qu'ils ils la mettent où ils veulent. Ils veulent, leur chiotte, suivez-vous ce qu'ils veulent avec. Mais ça permet comme ça d'avoir une sorte de buzz dans les lieux publics, c'est plus intéressant, ou au bureau, c'est plus intéressant qu'aller afficher ça dans les magasins ou dans les bistrots dans Paris, parce qu'ils sont arrachés au bout de 2 secondes. Et donc on le donne, et il y a un monsieur qui arrive, il me dit franchement, bon courage, mais sincèrement, parce que les gens des fois ne font pas l'espérance. Il m'a noir et Marie. Non, je vais vous dire, c'est une très mauvaise idée. Ah, t'avais dit que tu voulais plus faire d'imitation. Mais je fais pas d'imitation. Ah, bon. Ah si, il imite bien quand même. Ouais, bien. T'as pas fait l'épaule. Attendez, fait l'épaule. Il fait bien Sarkozy. Oui. Il fait bien Giscard. Oh, je sais que j'ai l'an. Il fait bien Jean-Marie Le Pen. Et oui. Marine Le Pen. Oui. Je cherche encore qui tu fais bien. Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, mais non, on t'a dit que tu le faisais mal. Donc ça se joue, ces emmerdeurs. GG, c'est toi. Maurice, c'est pas là, GG, c'est toi qui fais la promo. Hein. Ça se joue à Paris, 12 rue Neuve de la Chardonnière, dans le 18e. Et le théâtre ? C'est le théâtre. Tout en haut. L'Alambic Comédie. L'Alambic Comédie. Voilà. Et t'as vu, regarde, il y a des vies sur l'affiche. Comédie.com. Là. Oh, c'est pas sympa. Oh. C'est le petit chien en bas, c'est pas très gentil. Quoi. C'est le petit chien qui fait pipi. Alors, c'est Davy, ça. Le slogan de la pièce, ils nous pourrissent la vie. Non, en fait, c'est chacun notre tour. Mais c'est effectivement essentiellement moi, mais c'est chacun notre tour. Oui, puis des fois, t'as l'emmerdeur ou l'emmerdeuse, des fois, qui sont affectes, mais en fait, l'emmerdé et eux sont tellement chiants, tellement naïfs ou tellement cons, qu'à la limite, tu dis, c'est bien fait pour eux. Donc, en fait, t'as pas de gentil, t'as pas de méchant. Même l'emmerdé, des fois, tu te dis, c'est bien fait pour sa gueule. Voilà. C'est mérité. Voilà, exactement, il le cherche. Tu sais, c'est des sketchs, nous, quand on l'a écrit avec Jérôme Pacat, qui est le co-auteur avec qui on a écrit le spectacle, c'est l'emmerdeur. On a écrit le premier sketch, c'est au cinéma, et c'est un sketch qu'on a écrit franchement en 10 minutes, mais les gens sont morts de rire. Mais c'est vrai, on a vu des gens qui ont pourri la vie d'autres personnes qui étaient au cinéma avec des bonbons, à y raconter le film, et ils ont enlevé leurs chaussures, ça puait la mort. Et en fait, ça nous a fait mourir de rire. On s'est dit, mais on n'a pas besoin de chercher des sketchs, ils sont là. Et on l'a écrit, on est rentré chez nous. Bon, on l'a modifié parce qu'après, Marie, on a pris donc une comédienne à la base, c'était deux comédiens dans la première version du cinéma. Et donc, on l'a changé. Et puis, il y a eu le portable qui est arrivé. Il y a plein de choses qu'on a rajoutées. Mais à la base, il y a des vannes. Les gens sont morts de rire. Il y a juste à regarder. Oui. Quand on sort les bonbons. La plupart des gens qui viennent nous voir disent qu'effectivement, c'est la vie de tous les jours. C'est tellement vrai. Voilà. On peut vous retrouver sur Internet ? Oui, on peut nous retrouver sur Internet. J'ai pas le. Alors, il suffit de faire www.alambic-comédie.com et il y a des extraits de la pièce. D'ailleurs, on a fait un petit sketch en plus de présentation. De présentation. Et voilà. sur Facebook ? Oui, nous avons le groupe Les Emmerdeurs qui est créé. Il y a la bande-annonce. Il y a la bande-annonce du spectacle. Oui, Les Emmerdeurs, oui. Oui, tu donnes de ta personne, on voit dans la bande-annonce. T'as vu, je donne beaucoup. Tu dévoiles. T'as vu, on dévoile mon corps. Comment dire. Ah, c'est impressionnant. Enfin, on en parlera après. Ouais, d'accord. Bah, toi aussi, t'avais dévoilé ton corps. Ah, oui. Quand t'avais fait de la pub. Quand t'avais fait de la pub. Pourquoi chez nous? Voilà, allez, voilà, ça, c'est fait. Non, quand j'ai joué dans cette pièce d'avant-garde qui s'appelait La Partouze. Oui. Je montrais mon corps d'athlète. Ah oui, c'est vrai. Entièrement. Non, j'étais dans une tenue cycliste qui ne me boudinait absolument pas. Sa tenue cycliste, c'était le Tour de France à lui tout seul, tu vois. Enfin, avec les étapes de montagne. Voilà. Et tu sais que Maman dans ta gueule, elle peut faire du sprint aussi, hein. .com. Oui. Pour moi, il a fallu qu'on me dise trois fois que c'était une tenue cycliste pour voir que c'était ça vraiment. T'as cru qu'il était à poil, quoi. C'est ça, en fait. Mais je me demandais ce que c'était qu'il avait sur lui, oui. D'ailleurs, il y a un directeur de salle à Paris, du coup, il a eu l'idée de baptiser la salle après t'avoir vu en cycliste. La boule noire. Tu peux le refaire une deuxième fois. Bon, alors dans l'émission, vous allez voir qu'il y a un peu de tout. Hein. Il y a à manger. On est parti pour 10 minutes d'explication. Ouais, non, ça va être très vite. Et très rapide. Vous verrez qu'il y a des questions. Vous verrez qu'il y a des tournées de blagues. Qu'il y a des blagues de Maurice qui n'est pas présent ce soir, mais on a des archives. Qui n'est absolument pas là pour l'instant, mais il y aura des blagues en archives. Et il y a des épreuves. Oui, cette émission est une épreuve. Et la première épreuve de l'émission, c'est le baptême de l'équipe adverse. Ah. Car oui, chers amis. Ah, ça y est. Là, c'est Pierre Belmar. Regardez, là, c'est Pierre Belmar. C'est son côté Pierre Belmar qui ressort. Regardez. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Et pour que nos auditeurs puissent suivre au fur et à mesure de l'émission, des nouveaux auditeurs qui ne nous connaissent pas forcément, il faut donner un nom à l'équipe adverse. Alors, est-ce que vous avez une idée, Marie et Jean-Marc? Attends, je cherche. Ça peut être méchant, ça peut être... Oui. Voilà, tout de suite, voilà, la vraie nature revient au galop. Je fais comme sur Facbook, j'aime. Ouais, voilà. Ces pauvres gens aiment bien nous humilier. Tu likes. C'est vrai, mais c'est pas grave. Je trouve personnellement qu'il ressemble beaucoup à Jean-Paul Belmondo. Mais maintenant. Moi, je trouvais entre Jean-Paul Belmondo maintenant. De dos. Je sens qu'on va avoir les guignolos. Les guignolos, c'est pas mal. Les guignolos. Oui. Je croyais que t'allais continuer avec les comparaisons en disant que Gégé ressemblait à Juliette Gréco. Franchement, j'ai tendance à réfléchir. Non, mais moi, je cherchais aussi. Gégé, il ressemble à Sarah Bernard. Mais maintenant. Et toi, tu vas ressembler à une gueule qui s'est pris de baffe. Alors, ce baptême. Bah, ça y est, les guignolos. Allez, guignolos. Allez, on va aller. Voilà. Bah, eux, c'est facile, hein. On va les appeler les emmerdeuses. Voilà. Ah, si, Fred, tu fais un peu efféminé quand même. Oui. J'en vois pas, mais tu fais assez féminin. C'est la barbe qui te. Merci. Ça doit être la barbe qui fait ça. Et d'ailleurs, toi, tu as un rôle dans Les Emmerdeurs. Oui, j'ai un rôle. Je joue le rôle de Jean-Eudes. Ah, Jean-Eudes. Bon, bah alors ça va aller parfaitement. Les Emmerdeuses face aux guignolos. Voici cette première question. Ah, oui. Donc là, C'est le premier qui a la réponse. La donne. Pour marquer un point pour son équipe. D'accord. Qu'est-ce qu'on gagne? Un point. D'accord. Bon, alors on gagne un point. D'accord. Alors, le roman de Catherine Pancol, qui s'appelle Les écureuils de Central Park, nous apprend que les écureuils sont tristes le lundi. Oui. Pourquoi? Bah parce que c'est parce qu'il pleure le lundi. Par quoi? Parce qu'il pleure le lundi. Non. C'est le titre du livre. Dans le livre, elle explique pourquoi. Je ne l'ai pas lu. Parce qu'il y a moins de gens le lundi que le dimanche, donc ils ont moins à bouffer. Bonne réponse de Gégé. Bravo Gégé. Ça s'appelle le bon sens. Alors habituellement, à ce moment-là de l'émission, Maurice raconte sa première blague. Comme il n'est pas là, on va laisser passer une courte pause pour faire la première tournée de blagues. Avec Maurice. Ah. Restez avec nous, on revient avec les emmerdeurs. Retournons à se marrer avec les emmerdeurs. Ouais. Alias Marie et Jean-Marc. Ouais. Alors il y a une chose que j'ai oublié de dire à Marie. Ah oui, très Marie, importante. Ne t'inquiète pas. En face, t'en as un que ça intéresse pas et un qui peut plus, donc tu ne risques rien. Voilà. Merci. Et est-ce que c'est aussi valable pour Jean-Marc? C'est aussi valable pour Jean-Marc. Ah, ça m'inquiète, là, parce que... Il y en a un que ça intéresse pas et l'autre qui peut plus, donc tu ne risques rien. C'est une émission sans risque. Voilà. Le seul risque que vous prenez, c'est la tournée de blagues qui nous tombe dessus maintenant. Bon, d'accord. Bon. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, il n'est pas avec nous, mais bien sûr, vous le savez, il est quand même là, avec toutes les archives que nous avons. C'est Maurice. Mais comment c'est possible? Il n'est pas là ce soir. On a un petit, Il est omnipotent. Voilà. Et donc, il a une petite blague à vous raconter. C'est sa fabuleuse blague de Maya l'abeille. Mon cher Romain, c'est Maya l'abeille qui rencontre sa cousine. Comment elle s'appelle sa cousine? Gamma. Non. On a jamais, c'est vrai qu'on n'a jamais baptisé. Sophie, on pourrait l'appeler, tiens, comme ça au hasard. Sa cousine Sophie. Une grosse abeille. Elle. Ah, Sophie. Marc et Sophie. Et qui dit, alors c'est Maya l'abeille qui rencontre sa cousine Sophie. Oui. Et qui lui dit, j'ai internet dans ma ruche. Chouette. Alors sa cousine lui répond, chouette. Donne-moi ton email. Non. Mais non. Oh, c'est con, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Oh, merci d'être venu, Bob, pour aller avec moi parce que. Et on a choisi un mot facile. Oui. Il y avait pire. Hein. Oui. Donne-moi ton email. Non. Donne-moi, ça ira mieux si tu dis donne-moi ton adresse. E-miel. Donne-moi ton adresse e-miel. Voilà. E-miel. Bon, allez, alors on la coupe sinon, en montage. C'est pas vas-y, drôle, alors pour d'accord, Romain. Oui. Non, il faut pas te laisser faire, hein, parce que sinon. T'as vu le naufrage de la vieillesse. Allez, top. Mon cher Romain. Connais-tu Arrête. Allez Maurice, dépêche-toi, il faut qu'on rende l'antenne. Mon cher Romain, connais-tu? Mais non, on connaît pas du tout. Oh mais c'est pas vrai. Oh, mais arrête, Romain. Oui, allez. Écoutez, c'est Maya l'abeille qui rencontre sa cousine Sophie. Ah, je la connais bien Sophie. Oui. Et qui lui dit chouette. Oui, chouette, j'ai internet dans ma ruche. Ah. Alors, sa cousine lui dit, Maya dit à sa cousine, veux-tu me donner ton adresse email? Ouais. Oh, ça ira. Oui. Il y arrive à la fin, hein, quand même. Hein. Oh bah, il y arrive. Hein. Au bout de 4 coups de martinet. Mais oui, on le force, on le tape dessus. Bon, allez, j'ai une petite mignonne, hein, mais ouais, une mignonne. Hein. Ouais, mignonne, celle-là. Qu'est-ce qui est noir, croustillant et présenté sur un bâtonnet? Oh là là. Jeanne d'Arc. Oh. Vous attendiez à une horreur. C'est une horreur. Ouais. Bon, j'en ai une petite mignonne. Oui, mais dans le micro, Bob. Docteur, j'ai besoin de lunettes. Ah oui, certainement. Ici, c'est une banque. Alors, celle-là, tu vois, je l'avais vue. Et je ne l'ai pas gardée, moi. Ben, moi, si. Bon, moi, je vous emmène un peu de poésie. Je vous emmène en Afrique. Ça se passe en Afrique. Et il y a un éléphant qui est là et qui régulièrement écrase la fourmilière. Oh. Il marche, il écrase la fourmilière. Au bout d'un moment, les fourmis, elles en ont marre. Oui. Et elles se mettent en colonne rangée et elles montent, toute la fourmilière monte sur l'éléphant pour essayer de le tuer. Alors, bon, elles sont des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Et alors, l'éléphant, bien sûr, il est un peu chatouillé, un peu agacé, donc il s'ébroue. Ah ouais. Il s'ébroue. Ah ouais. Et donc, toutes les fourmis tombent. Ah. Sauf une. Ah. Qui reste accrochée au cou. Et il y a toutes les fourmis qui sont par terre qui lui crient « Vas-y, étrangle-le Ah, oui. Alors, Jean-Marc. Elle est bien, celle-là. Allez. Alors, quelle est la vitesse maximale d'une blonde ? La vitesse maximale. Maximum d'une blonde. Oula. Ça recule, une blonde. Non, va pas plus loin. C'est pas. 68 km/h, car à 69 km/h, elle fait un tête à queue. Eh oui. Ça tombe bien, c'est pas blonde. C'est ce que j'allais dire, on précise aux auditeurs que Marie est prune. Voilà, oui. Voilà. Alors, Marie. Oui, alors moi. Vas-y. Je connais pas beaucoup, donc voilà. Que dit un ver qui arrive dans un plat de spaghetti? Mmh. Moi je connais, mais je vais pas de sabre. Cool, une méga partouze. Oui. Et c'est moi qui aura fait la blague la plus salade. Et si c'est des bolognaises, c'est des spaghettis femelles. Alors, bon. Oh non. C'est immonde. Alors, j'ai une petite épreuve qui s'appelle la main pince. Ah oui. Très simple. C'est pas cochon, vous inquiétez pas. J'essaie de vous faire trouver quelque chose, et en l'occurrence, je vais essayer de vous faire trouver un film. Ah, c'est pour Fred, donc. Non, parce que pas forcément. Ah, pas forcément. Récent, donc j'essaie. De... Toute façon, si alors je pas, on écrit à son patron. Ça, c'est clair. Bon. Donc je vous donne des informations, 10 secondes d'informations. Vous avez une idée, vous donnez le titre. Enfin, si vous n'avez pas d'idée, la main passe à l'équipe adverse. Et c'est la première équipe qui trouve la réponse, qui marque le point. Il faut qu'on marque un point, là. Ouais. Alors, pour l'instant, l'équipe menée, ce sont les emmerdeuses. Non, c'est menée. Donc, je vais commencer par vous, avec ces 10 premières secondes d'information. Top. Je suis le 25e long métrage d'animation de Walt Disney et le 20e classique d'animation des studios Disney. Sorti en 1960. J'ai pas pu. 1960. Attends, quelque chose. 15. Sorti. Le Royaume. Non, attends, on réfléchit. Attends. 1960. Dans 60 années... et des. J'ai pas fini de dire. Hein. Alors. Ah oui. J'ai été coupé avant de pouvoir dire la fin. La fin. Tu peux dire le. Non, tu peux pas le dire. Moi, je dirais Robin des Bois. Ah oui, moi je serais plus d'accord avec toi parce que là c'est 1900. C'est début des années 70. Oui, j'ai vécu ça avec mes enfants. Et 25e, et... 25e, ça fait beaucoup hein, quand même. Parce que le premier c'était Blanche-Neige et c'était dans la fin des années 30. Pinocchio peut-être. Non. Non, Pinocchio c'était avant. Enfin, c'était un peu avant. Ah oui. Moi je dirais Robin des Bois. Bon, bah écoute, moi comme je n'en sais rien, je ne suis pas du tout sûr de moi, je te suis. Non, mais t'as raison, parce qu'effectivement, moi j'ai des enfants. Ah. Et non, c'est pas le Roi Lion, c'est sûr. Non, c'est les années 90, le Roi Lion. Non, mais il a pas dit 1900. Il a dit 1960, quelque chose. 60, je voilà. Moi je dis Robin des Bois. Ah, peut-être Merlin l'Enchanteur alors. Ah. Ouais. Pour le convaincre, fais-nous un petit coup de Robin des Bois de Georges Guettari. On m'appelle Robin des Bois. Bah, c'est bon, les gars. C'est plutôt Ivanoé. C'est plutôt Ivanoé. C'est Robin des Bois. Bon, on dit quoi, les enfants? Allez, on va dire Robin des Bois. Ouais. Robin des Bois. Ouais. La main passe. Voilà. Top. Sorti en 1970 aux États-Unis, je suis inspiré d'une histoire de Tom McGowan et Tom Rowe. Je suis le dernier dont la production a été approuvée par Walt Disney. Ah. Je pense à Bernard et Bianca. Si tu le dis. Qu'est-ce que t'en penses ? Je connais rien. Moi, je dirais Bernard et Bianca. La main repasse. Ah. C'est les années 80, Bernard. Ouais. Non, mais c'est Tom Machin, là. Tom. Alors, mais le dernier de Walt Disney, je sais ce que c'est. Top. Enfin, je vois ce que c'est. Top. Mais... Oui, pardon. Tom. Approuvé par Walt Disney, décédé fin 1966, avant que le film ne soit réalisé. J'ai recueilli des critiques positives avec un succès. Les studios Disney ont même commencé à produire une suite en... Ah oui, mais c'est attends. Ah, c'est un film, attends. Alors, c'est un long métrage qui a eu une suite. Et c'est deux. Ça raconte l'histoire de Tom Machin et Tom Bidule. Non, ça c'est les auteurs. Ah d'accord. C'est Bill Elliot. C'est Elliot le Dragon. Non, ça c'est les années 70. Eh ben, c'est sorti en années 70. C'est sorti en 70, mais Peter Elliot le Dragon, je l'ai vu quand j'étais gamin, donc. Non. Non. C'est 76, 77. C'est vrai que t'es un peu pas comme tout. Bah oui. Merci de me le faire remarquer. Et ma remarque, tu le vois tous les matins dans ta salle de bain. Le dragon. Et pourtant, il crache pas du feu. Hein. Un film à pauvre deux, con. Deux gamins. Non, c'est pas. Alors, il faut un titre. C'est les deux. Oui, non, c'est pas. Un Disney ça. De 1970. On dit Pinocchio. Et puis il a dit un film. Non, mais où il y a alors, j'ai pas dit un film. Un film d'animation, il a dit. Oui, c'est un film. Un long métrage. J'ai dit un long métrage d'animation au départ. Hein, donc. Ils font environ 1h20. Fantasia hein. Non. Non, Tom et Tom, c'est pas ça. Ah non, Fantasia, c'est. Non, mais Tom et Tom, c'est les autres. Rock, c'est Rookie. Mais non, c'est plus tard, c'est les années 80, ça. Ah merde, ouais. Alors, non, une réponse. Tom et Tom, tu écoutes, c'est les auteurs. Ah oui, mais non, Pinocchio, c'est Golden. Mais qu'est-ce qui nous. Qu'est-ce alors, une réponse. Pas. Les 101 Dalmatiens. Que... Les 101 Dalmatiens, la main passe. Ah. À un moment, faut répondre quelque chose. Top. On commençait à produire une suite en décembre 2005, dont la sortie devait être prévue pour 2007, mais qui fut finalement annulée. Le film, lui, est sorti en France le 6 décembre 71. L'histoire. Ça va être pour eux l'histoire, tu vois. Alors, moi je pense au livre de la jungle, puisqu'il y a eu une suite. Oui, mais là je viens de dire qu'elle n'est pas sortie. Hein. Elle n'est pas sortie. Ah, bah, mais... Annulée en 2006, hein, je t'ai dit. Hein. Ah oui. Ah, quelle bande de guignolos. Donc, le livre de la jungle, il y a eu un livre de la jungle 2. Oui. Et dans ton micro, ils ont dit les Aristochats ou pas Non, il n'y a pas eu de suite. Oh, non, on n'a pas dit ça. Il n'y a pas eu de suite à ça. Ah, il y a les 101 Dalmatiens. Ça, vous les avez dit, non? Je viens de dire qu'il n'y a que la suite, elle a été annulée. Hein. Ouais. Mais je crois qu'il devait faire une suite. Bob, il suit pas l'émission. Non, il s'endort du tout. Il est fou. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi? J'en sais rien. En plus, c'est des questions à la con. Attends, je déteste les dessins animés. Sauf quand ils sont porno. Non, tu aimes les dessins très animés. Les 101 Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens, Lama repasse. On vient de le dire. Pas du tout l'émission. La preuve que je suis. Non, mais il est pas. Alors, l'histoire. Merci. L'histoire. Top. On va trouver. À Paris, en 1910, une riche vieille dame, Adélaïde de bonne famille, rédige un testament par lequel elle lègue toute sa fortune à sa chatte. Eh oui, Lady, je crois qu'elle s'appelle. Non, comment ça Duchesse. Duchesse. Duchesse. Oui, c'est les Aristochats. Eh oui, Bob. Je l'avais dit. On a gagné. Ben merci les guignolos qui ont absolument pas les suivi aristos, le. Rien suivi. Avec Roquefort, la petite souris. Et au Malais surtout. Ben et au Malais, oui. Ah oui, qui sait plus comment il s'appelle. Que l'autre veut le bouffer, il s'appelle Aubryan, Omarcar, enfin. Et les deux oies anglaises étaient à mourir de rire, ces deux oies. Je sais plus comment. De toute façon, tous les personnages. Et Napoléon qui dit c'est moi le chef. Alors, Mardi Cinéma revient dans quelques instants. Avec Jacques Roulon. Ah là, c'est Moisy Cinéma. Tu les vois en face. Alors, on revient dans quelques instants avec les emmerdeurs. Oui. Retour, on va se marrer avec les emmerdeurs. Yes. Ah oui, oui, oui. Alors, ce titre de spectacle, ça vous est venu comment, en fait? Par rapport au sketch. C'est-à-dire qu'on voulait faire, on voulait vraiment faire un thème. C'est-à-dire qu'on voulait pas faire des sketchs pour faire des sketchs. Comme je disais, il y a une histoire, il y a vraiment une histoire. Oui, il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur. Mmh. Et en plus, dans le fil conducteur, il y a des speed dating qui reviennent tout le temps en plus. On voulait vraiment faire des thèmes. Et donc, le speed dating, c'est drôle parce que des fois, les gens, ils se font chier, ils s'emmerdent. Voilà, tous les sujets sont sur les emmerdeurs, les gens qui se font chier, les gens qui pourrissent la vie. Ouais, donc, pour ça, on a mis les emmerdeurs et ça résume très bien le spectacle. Et l'affiche aussi représente. Vraiment le spectacle. Il y avait eu un film qui était excellent sur le même principe d'Yves Robert, Le Bal des Casse-Pieds. Je sais pas si vous voyez. Ah oui, ah bah oui. Ah oui, oui. Alors, GG, les emmerdeurs, on va les voir où? Alors, les emmerdeurs, on les voit à Paris, bien évidemment, parce qu'il n'y a que cette ville qui compte. Oh oh Est-ce qu'elle a la banlieue? Non, que par hasard, tu habites dans la province. Il y a les régions aussi. Il y a la province. Ah, mais c'est vrai, oui, il y a Saint-Tropez. Nice. Alors, c'est dans le 18e arrondissement, au métro Saint-Plon, et c'est 12 rue 9 de la Chardonnière. Et puis, donc, c'est tous les dimanches à 20h30, les lundis à 20h. Et puis il y a effectivement un site, je crois, où ils peuvent réserver, c'est ça? Oui, c'est ça. www.alambic-comedy.com. Alambic-comedy. Ou le groupe Facebook Les Emmerdeurs. Voilà. Le groupe Facebook. Alors justement, pour contrecarrer un peu GG, vous envisagez un peu de partir, ou vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs, partir un peu sur des salles de province? Oui, On est déjà parti, on est parti en Belgique, hors de France. Oui, déjà. Mais vous savez, on est écouté en Belgique. Nous avons de nombreux auditeurs en Belgique. Alors moi, j'arrête l'accent belge parce que ça fâche. Non, pas du tout. Alors j'en ai marre de me faire engueuler. Au Cook's Théâtre. C'est un super public. Ah oui, c'est le théâtre extraordinaire. C'est des gens qui aiment rire. Et nous sommes allés à Amiens aussi. À Amiens, à l'Escalier du Rire. Donc pareil, Amiens, au Mans, dans la ville natale voilà, de Thalia, dans la ville natale de Stevie Boulet, et de Marie Monchâtre, accessoirement. Voilà. T'as ta belle-sœur toi qui habite au Mans, oui. Ariette. Elle a plus de la barbe. 15 ans de grosse tête. Elle a plus de la barbe, c'est Georges Moustaki. Bon alors. Pendant la pause, j'ai tiré au hasard. Oui, mais ça fait des années que tu tires au hasard. Deux cartes dans le boîtier du Trivial de 1985. Que par exemple, si on vous demande de quel pays Moscou est la capitale, vous dites URSS. Mais c'est à eux de répondre. Bah oui, bah, oui, d'accord. Non, mais c'est les aides. 85. Oui, voilà. D'accord. D'accord. Oui, d'accord. Deux cartes, une carte par équipe, 6 questions sur chaque carte. Le but du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions. Pour marquer le maximum de points. Quel vieux. Vous pouvez répéter la question? Si toutefois, vous avez une réponse l'un ou l'autre, sans vous consulter. Eh oui. Dans ce cas-là, vous dites cash. Cash. Et vous donnez la réponse. Et là, c'est 2 points de marqué pour votre équipe. Excellent. Si toutefois, vous ne savez pas ou si vous vous trompez, l'équipe adverse peut répondre et nous, à votre on donne point. La bonne réponse. Mais vous posez les 6 à la suite, une chaque, enfin une par une, hein, par une, une, une carte par carte. Et on passe notre tour que si on perd. Ah, que si on perd, bien d'accord. sûr, bien sûr. D'accord. Donc on fait toujours choisir Bob parce que sinon il y a des contestations à la fin de l'émission. Bob, est-ce que tu veux la 1 ou la 2? Cette émission c'est est truquée. D'accord. Oui, c'est de la triche. La 1 ou la 2? La 1 ou la 2? La 1. Alors la 1. Les mélange pas, j'ai choisi celle-là. T'as tort parce que la 2 était plus simple. Oui, tu veux quand même je prends la 1 quand même. D'accord. J'espère que ça t'embête. Oui. On prend la 1 et on... on t'a entendu. Bonne soirée. On t'a entendu. Donc, on va commencer par l'équipe des Guignolos. Bob et Gégé avec leur première carte. Donc, c'est à eux de donner les réponses. Ils ont combien de points d'avance, eux? Vous êtes à égalité. On a déjà 15 points d'avance. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas dormi. Bob, est-ce que tu es prêt? Non. Top chrono. Quelle est la plus grande baie du monde? Oui, la baie... Cache, la baie d'Houston. La baie... Oh, il va m'énerver avec mon accent. Houston. Whitney Houston, je crois. Houston, avec un... Ah, oh, avec un T ou avec un... Là-bas au Canada, oui. Bon, c'est la baie d'Houston, mais bon, on va quand même l'accorder. Oh, bravo. Top. Merci. Non, on applaudissait pas. Enfin, si, parce que... Une question pour Gégé. Ah. Qui a fondé le ballet du XXe siècle? Béjart, oui. Maurice Cash. Quoi? Maurice Béjart, Cash. Ah, j'ai compris, Maurice Cash. Non, mais il arrive pas à remettre les mots dans l'ordre. Oh là là! Ah oui, non, là, c'est incroyable. Hein. Ça va changer. Ouais. En quelle année a été guillotiné Louis XVI? Oh, en 93. Cash! Oui. En 93. 1793, oui. Oui, t'as bien fait de préciser. Le 21 janvier. Cal, oh bah dis donc. Ça aurait été Maurice, il aurait dit. 1900, c'est bien rigolo. Il connaît ses questions par cœur. Qui Non, fut... ça s'appelle la culture, chérie. Blanc. Qui non. fut la cause de la guerre de Troie? Ah, c'est Hélène. Qui a été kidnappée. Leur roi le où elle s'est barrée parce qu'elle était un peu donc là vous consultez donc là vous consultez non non non oui. Non non il a dit il a pas dit cash non, et non, vous non, vous consultez je suis désolé alors cette émission est truquée oui clair. On a dit ça mais t'as pas dit cash hein si mais attends arrête non il a pas dit cash j'ai dit la règle du jeu c'est qu'il faut dire cash moi j'ai fait des commentaires pour les gens qui ne savent pas la règle du jeu la Hélène était quand même une poufiasse qui alors là une question pour Bob peut-être encore 2 points de marqué qu'est-ce qu'un Univac 1 c'est en quoi ça c'est une question de science et nature science un Univac Univac 1 mais 1 de One oui 1 le chiffre 1 bah, c'est quelqu'un qui est seul de chez seul hein. Un Univac oui 1 non science ça et nature veut dire qu'ils ont marqué 6 points d'un coup là là vous avez le stress qui monte là. C'est un animal qui vit tout seul la réponse un animal qui vit seul oui non la main passe pourtant j'aurais pensé que tu trouverais Alors nous on récolte la question pourrie quoi, c'est voilà. Ça. Ah oui, donc on doit y répondre. Voilà, moi, si vous répondez bien, vous marquez le point. Un, moi je dirais un onaniste. Enfin un branleur quoi. Non, ouais, un satellite. Ah peut-être oui. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est pas mal. Alors, satellite. Oui, non. Eh bien Bob, je suis très déçu. Pendant des années, tu as fait un club informatique le vendredi soir. C'est un ordinateur. Ah, oh, dis donc. Ouais. Ah, ben, je savais pas que ça s'appelait comme ça aussi. Enfin, c'est un ordinateur. On a marqué 10 points sur ce coup-là. Enfin, il y a encore une question. Quel athlète a amélioré de 50 cm le record du monde de saut en longueur aux Jeux Olympiques de 1968? Maurice. Ah non, saut en largeur. Non, 50 cm, c'est pas possible. Jazzy, c'est un coureur. Oui, non, je sais pas. Donc vous ne savez pas. C'est un noir. C'est un. Non, bah, je ne vais pas dire qui c'est. Tu peux répéter la question? Je vais pas dire ce que Alors, c'est. La question, c'est quel athlète a amélioré de 55 cm le record du monde de saut en longueur aux Jeux Olympiques de 1968? On passe la main, on ne sait pas. Bah, moi, j'ai une excuse, je venais de naître, donc je n'étais pas au courant. Ah, 68, ouais, 68 ça te fait rêver, Avril. Des filles, hein, 55 cm. Avril, moi. Septembre. Ah. Moi, ce n'est pas la réponse. Je suis plus vieux. Alors, j'ai encore plus vieux, merde. Comment ça vient d'ailleurs? Comment ça vient d'ailleurs? Ah oui, alors, qui c'est? Alors, 68, c'est pas Tsonga, c'est du tennis. Alors, une réponse? Qui c'est qui pouvait y avoir? Je ne savais pas. Bon, si vous ne savez pas, vous pouvez. Lynn Renault. C'est un mec des îles. Bob Beamon. Ah bah oui, Beamon. Beamon, ils étaient deux. Non, parce qu'en fait, il s'appelait Simon, mais il était enrhumé. Bon, à l'issue de cette partie, les Guignolos quand même capitalisent 9 points. Bah, ouais, et ça, ça fait mal. C'est un ça, scandale. Ça fait mal. Oui. Et là, pour l'instant, vous n'en avez qu'un. C'est un scandale. Est-ce que pour les auditeurs, Frédéric, est-ce qu'on peut te demander ton impression? Ah, mais je... 1 à 9. Non, mais qui continue à ricaner comme ça, il va y avoir du sang. Tu te sens pas un peu écrasé? On dirait un épinard. Oui, bah toi, on va dire une... Toi, on va dire un plat de lasagne bolognaise si tu continues. Bon, alors, attendez, tout n'est pas perdu. Oui, parce que t'es un escroc, de toute façon, Mélo. Non, pas du tout, parce que... T'es un salopard. Après la pause, une fois qu'on est... Non, Mélo, salaud. Attends, la question était facile. Oui, facile, pour une fois qu'on... Oui, pour eux. Attends. Pour eux, pour oui, parce que ça veut dire que nous, on a la carte difficile. Mais non, pas du tout. Pour une fois qu'on a une bonne carte. Mais si, parce que t'es un enfoiré. Pas du tout. Parce que tu couches avec eux. On s'en va. Juste après la pause, Marie et Jean-Marc, c'est pris. Votre carte. Ouais. Donc, se oui, mais votre carte, vous nous. Serez seul. Je me casse. Restez avec nous, revenez avec les emmerdeurs. Retour dont on va se marrer avec les emmerdeurs actuellement à l'affiche à Paris de l'Alambic Comédie. Oui. Pour tout savoir, c'est alambic-comédie.com. Tous les dimanches à 20h30 et les lundis à 20h. Bob, toi, tous les dimanches? J'astique le manche. C'est un réflexe. Ça faisait longtemps que tu nous l'avais pensé. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux nous rappeler les scores? Non. Philippe. Oui. Je t'emmerde. Ah, j'avais bien compris. Donc, pour l'instant, vous êtes mené à 9 à 1. Hein, ouais, donc, on n'a pas joué aussi. Oui, alors, justement, c'est votre carte, hein, Marie et Jean-Marc et Frédéric. S'il te plaît. Oui. Accessoirement. Voici votre carte. Oui. C'est la carte facile. On a essayé de soudoyer Philippe, mais ça part aussi. Il y a combien d'épreuves après, parce que histoire qu'on sache. J'avais remarqué tout à l'heure qu'il a dit Bob, t'as tort. L'autre, c'est les plus faciles. Oui. Ouais. Et là, je sens que tu vas râler. J'ai oublié de vous dire que je suis râler, très là, mauvais perdant. Oui. Ah, d'accord. Le très mauvais est faible. Je voudrais pas vous mettre la pression. Non, moi, je suis bonne joueuse. Allez, c'est parti. Dans quelle région yodel-t-on? Ah ben, oui, Cache. Oui. En Bavière. Quelle région? La région. Non, dans quel pays tu veux dire? Non, je demande bien la région. Bah, en Bavière. C'est une région. Ah non, non, c'est pas ça. Moi, j'ai une autre réponse. Non. Oh, y a c'est pas ça, donc déjà, c'est plus dans Cache. Le Tyrol. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Alors, quelle est votre réponse? Le Tyrol. Cache, ouais. Ah bah non, c'est pas Cache. Ah non. Il a dit Cache. Oui, non, mais j'ai. Il a dit la Bavière. Déjà, c'était faux. Donc c'est la mienne. Et nous, on a un point parce qu'on dit Tyrol. Eh bien, c'est bien le Tyrol. Oh. Bien joué. Et je t'emmerde. T'as du balai. Vieille peau. On a qu'un qui point. Alors, qui oui. Sacha Guitry, oui, surnommait-il mon petit printemps? Oh bah, Yvonne Printemps. Mais oui, deux points. Je t'avais dit, Bob, que t'allais gueuler. Hein. Tu m'avais pas écouté tout à l'heure. Bon, merci Fred de notre équipe. Quel pays a pour devise Dieu est mon droit? On va se consulter là. Cache. Je ne sais pas du tout. Dieu est mon droit. Ah, évidemment, je le dis pas dans la langue du pays. Hein, je le dis en français. Non, mais tu peux même lui donner le. Non, je précise langue, pour éviter toute contestation. Allez, Rachoud Zankoche, faux cul. Dans le micro, non, mais... dans le micro. Non, j'ai peur de dire une grosse bêtise. Non, parce que les États-Unis, c'est In God We Trust. We trust. Donc c'est en Dieu nous croyons. Ouais. Donc c'est pas ça. C'est Dieu est mon droit. Dieu est mon droit. Pas et. Et mon droit. Dieu est mon droit et Marie est ma gauche. Yes. Dieu est mon droit. Aucune idée. Alors là, aucune idée. Est-ce que non, mais je vais peut-être dire une bêtise. Mais bon, vas-y, pas, dis toujours. Est-ce qu'on peut considérer le Vatican comme un pays? Bien sûr. Oui. Bah, c'est un État. C'est un État. Donc, on va voir dans quel État, justement. Donc, on pourrait dire le Vatican. Eh bien, je t'accorde cette réponse. Merci, mon père. Alors Philippe, le Vatican? Le Vatican, non. Non, mais... Les États-Unis, non plus. Mais non, Bob, de le dire. Je viens de te dire que non. Bob, bah, écoutez, j'ai essayé de vous aider discrètement. Bob l'a entendu. C'était l'Angleterre, non? J'ai dit yes. L'Inde. Gold the Queen. Oui, l'Angleterre. L'Angleterre. Quelle cantatrice a une prédilection pour l'air des bijoux? Cash. Castafiore. Ouais. Correct. Ouais. Bravo. On a 8, je vous signale. Non, pas 8. Non, on a 6. Eu un point. 6. Voilà. On a dit cash là. Ah oui, là, mais je vous ai mis 2 points là. Mais oui, avant, il n'y avait pas eu de cash. Ah oui, il n'y avait pas eu de cash. Non, Fred, il n'y avait pas eu de cash. Et le Tyrol. Non, c'est pas du cash le Tyrol. Hein. Non. Quelles empreintes sont utilisées pour l'identification des chiens par leurs entraîneurs et éleveurs? Quelles empreintes sont utilisées pour l'identification des chiens par leurs entraîneurs et éleveurs? C'est-à-dire pour identifier les chiens. Oui, pas le maître. Pas le maître. Comment on identifie un chien? Les empreintes de pattes? Bah oui, des pattes, c'est pas non, ça. C'est pas ça. Pas les de nez? Tu sais? La truffe? L'empreinte de truffe? Il n'y a pas un... Les empreintes de fion. Les oreilles. Je crois que c'est les oreilles. Et une empreinte d'oreille. Une empreinte d'oreille. Je vois pas trop. Hein. C'est pas facile de faire une empreinte d'oreille. Ouais. Attends, il va bouffer ton guémard. C'est pas les pattes, ça c'est sûr. La truffe alors. Non, non ou le fion. Ah ouais, ça peut être. La truffe, c'est plus dur à. On dit la truffe. Alors, non, pas cash. Non, pas cash. C'est correct. Le tatouage. C'est correct. Ouais. C'est correct. Non, c'est la truffe. Ouais, c'est la truffe. Bah, c'était pénible. De toute façon, une empreinte. Attends, je voudrais que Gérard m'explique ce qu'est une empreinte de tatouage. Une empreinte, un tatouage. D'accord. Alors, enfin, dernière question. Oui. Et c'est malheureusement pour vous. La plus difficile. Oh merde. Question de sport et loisirs. Voilà, quelle est la forme d'un ballon de football? Cache. C'est correct. Ouais. Alors. Enfin, moi, gagner comme ça, j'aurai un peu honte. Bon, on est à combien alors, Philippe? Alors, eh bien, à l'issue de cette partie, je dois vous annoncer que vous êtes à égalité. Ouais. 9 possible. 9 partout. Ah ben attendez, si c'est possible. 9 partout. On a fait 4 caches. 9 partout. Mais oui, vous aviez qu'un point au départ. Ouais. Vive les emmerdeuses. Alors, c'est quand même très très bien joué. Maurice n'étant pas là ce soir. Oui. Vas-y, pourris-nous l'ambiance. Comme d'habitude, on fait une petite roulette russe. Ah oui, c'est vrai, oui. La roulette russe, en fait, c'est très simple, c'est qu'on vous donne des mots qui correspondent à des blagues fétiches historiques de Maurice. Vous dites stop quand vous voulez, et automatiquement, Maurice n'étant pas là, c'est ses archives qui vont raconter la blague à sa place. Tu diras stop quand tu veux. Attends le mot. Alors voilà les mots. Attendez pas la fin. Les mots clés. Bah si, hein, ils veulent un mot clé. Parce qu'on arrête toujours au Perchiste, début. Perchiste, roue de secours, Mario Boss, Star Wars. Stop. Ah, stop. Ah, Star Wars, il y a longtemps. Oui, je vois même plus laquelle c'est. Ah ben, moi non plus, je m'en souviens même plus de cette blague de Star Wars, et je crois que les auditeurs non plus. Ah, eh ben, allons-y. Elle est morte. Quand est prévu le retour de jeudi? Oh. Non. Le retour du Jedi. Ah, du Jedi. Star Wars. C'est vrai, j'avais dit. Oui, entre mercredi die et vendredi die. Et puis tu la fous sur un pilier, ça fait Lady Di. Il a été payé par Rire et Chanson. Quand est prévu le retour du Jedi? Tu sais ce que c'est le retour du Jedi? Oui. C'est quoi? Entre mercredi. C'est quoi le retour du Jedi? Ah oui. Quand est prévu le retour du Jedi? Ah, on sait pas, on sait pas. Non, entre pas, mercredi et vendredi. Wow, c'est bien, bon. Tu vas continuer. Excellent choix, parce que c'est vrai qu'on s'en souvenait plus. Oui, je m'en souvenais plus. Ouais. Bon, allez, dans quelques instants, on va vous mettre à contribution. Marc, c'est très drôle, une blague du retour du Jedi racontée par un Ewok. Juste après la pause, on vous met en contribution pour un extrait du spectacle. Okay. Donc restez avec nous, on revient avec les emmerdeurs. Retour d'On va se marrer avec les emmerdeurs. Ouais. Alors, chose promise, chose due. Donc, les emmerdeurs à l'Alambic Comédie. Oui. Plein de sketchs, une histoire, un fil conducteur. Et alors là, on se retrouve. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ce sont Gérard et Monique qui sortent d'un repas chez des amis, leurs meilleurs amis. Philippe et Josette. Et donc, ils se dirigent vers la voiture. Et ils partent. Voilà. Et voilà. Et là, on vous retrouve à la voiture. Et là, on arrive à la voiture. Les emmerdeurs. Et encore merci pour l'accueil. Oh, et le repas, Josette. Il faudra que tu me donnes ta recette. C'était une soirée inoubliable. Inoubliable. À bientôt. Oh non, à très bientôt, Philippe. Au revoir. Et encore merci. Au revoir. Au revoir. Non, mais continue, il te regarde encore. Ouais, regarde-moi ces gueules de con. Au revoir. Allez, ouvre la bagnole, j'en peux plus là. Ouais. Ouvre la bagnole. Allez, vite. Allez. Oh, c'est pas vrai, c'est con, ils sont toujours sur le perron. Mais tu sais bien qu'ils sont jusqu'au virage comme à chaque fois. Vas-y, continue, je vais te prévenir. Dépêche-toi. Attention. Hop, petit virage. Oh la vache. Oh les purges. Oh non mais elle est stupide. Et son fils, non mais t'as vu ça? Un vrai concentré de laideur à lui tout seul. Une grosse tête, un petit coup, une vraie tête d'ampoule. Pourtant c'est pas une lumière. Oh là là, et comme le père. Et pourtant il travaille EDF comme quoi. Non mais je vais te dire, le principal c'est qu'ils se comprennent entre eux. Non parce que vas-y qu'ils te parlent de la maladie, le chômage, la retraite, la politique, non mais on s'en cogne. Oh, je regarde pas les infos moi, c'est pas pour me les taper en direct. Et Philippe qui s'y croit. Est-ce que tu crois de nos jours que l'Allemagne peut prendre position entre la Chine et les États-Unis? Mais on s'en fout franchement. Hey, tu l'as mouché, j'espère. Ah, je me suis pas gêné. Je lui ai dit, tu sais, Philippe, j'ai testé le hamburger de Nem et j'ai préféré la choucroute au ketchup. Il est resté scotché, il était comme ça. Tu m'étonnes. Écoute, si la connerie avait des frontières, il y aura des douaniers tout autour de chez eux. Non, mais c'est sûr. Non, mais lui, dès que tu lui dis quelque chose d'intelligent, il faut lui laisser le temps de décrypter à ce coup. Et moi, j'ai encore la dalle. On va aller bouffer quelque chose de mangeable. Ah ouais. Allez, hop, McDo. Non, parce que... Leur côte de bœuf braisée pour 4, merci. Je l'ai acheté chez le boucher. Mais sans doute qu'elle n'a pas commandé par Chronopost. Oh, ce gourdasse. Et puis attends, côte de bœuf braisée, côte d'agneau brûlé. Hein. Je me suis retenu de parole. Je me suis retenu de par Angelo. Hein. Puis deux faillots par personne, même pas quoi péter. Oh, bah non. Ou si peu. Oh non, Loulou, t'exagères, ça pue. C'est bon, t'es habitué depuis le temps. Hein. Non, je vois pas l'intérêt d'inviter des gens si pour faire un repas aussi médiocre. Mais non, mais attends, quand on sait pas cuisiner, on invite les gens au restaurant. Mais ils sont trop radins pour inviter les gens, puis c'est tout. Ah, c'est sûr. Ah, j'ai envie de vomir. Alors ça, c'est de ta faute. Hein. Je te l'avais dit de pas prendre 6 fois de leur foie gras. Hein. Ah, je sais même pas comment t'as fait. Ah, t'es trop gras. Hein. Remarque, il était en accord avec l'humour de Philippe. Et les bourrelets de Josette. Arrête. Non, je sais que j'aurais pas dû reprendre 6 fois, mais l'apéritif, il y a même pas de cacahuètes. Au lieu de ça, ils ont servi quoi? Des verrines, papier ou des dés à coudre? Eh, sûrement des échantillons gratuits, les rats. Ah, je vais te dire, hein, quand t'as 6 ricards dans le pif, faut que ça éponge. Bien sûr. Et en parlant de pif, ouais. T'as vu sa tronche à elle? On m'en parle pas. Et j'ai eu en face de moi toute la soirée. Ah. Et depuis qu'elle s'est fait refaire la bouche, on dirait un poisson-chat. Et surtout qu'ils ont laissé les moustaches. Et c'est sûrement pour cacher les cicatrices. Elle est moche. Et son toc, t'as vu ça? Elle est complètement maniaque de la propreté, mais c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'elle s'en rend tout le temps. Alors moi, je nettoie tout le Javel. Les sols, les murs, les plafonds, la salle de bain, la vaisselle, la cuisine. Oh, ta gueule, monsieur propre. Ah, ça lui va comme un gant. Tiens, elle m'a tellement saoulé, j'ai pissé à côté sur la cuvette des chiottes. C'était donc toi. Non mais j'en étais sûr, hein. Alors, hey, en même temps, je vais te dire, elle l'avait bien cherché le raton laveur. Hey, moi j'ai fait mieux que toi. Ah ouais. Ça m'étonnerait. Ah bah si, alors là je vais te dire. Mais vas-y, raconte. Ouais, tu veux? Ouais, vas-y. Bon, tu te souviens leur chien? Ouais, leur ratier. Ouais, leur rat là. Tu te souviens quand il s'est pris une volée parce qu'il avait pissé sur le tapis de la salle à manger? Ah oui, il a dérouillé le clébard. Ouais, il a dérouillé. Ouais. Mais c'était pas le chien. Alors là, total respect. Ah, mais quand même, non. Ah, si, il l'avait cherché. Bah, tiens, oui. Le pinard. Ah bah tiens, voilà, pinard. Juste après ça. Attends, sous prétexte, c'était un château neuf du pape 89, ils en sortent qu'une bouteille. Bah, heureusement, j'ai gueulé pour avoir les trois autres. Hein. Oui, parce qu'il aurait été capable de te servir à la pipette, ce con. Et puis le Philippe, ce mesquin qui nous fait la réflexion, comme quoi on a sifflé tout son pinard. Il met l'intention sur la route. On a bien compris le sous-entendu. Hein. Je vais te dire, si ça avait vraiment été des amis, ils seraient venus nous chercher et puis nous auraient ramenés. Bien sûr, mais ils ont pas d'amis, ils ont pas d'amis, ils ont que des relations. Et encore parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils le prêtent, sinon ils auraient personne. C'est pour ça qu'il a insisté pour te prêter les 10 000 euros. Hein. C'est pas du tout par amitié ou pour te rendre service. Hein. Oh non. Non, c'est pour garder le peu de relations qu'ils ont. Bah, évidemment. Ouais. T'as rien signé, j'espère. Oh, pourquoi pas une reconnaissance de dette? Attends. Alors là, mesquin camisson, ça m'aurait pas étonné. Mais tu sais, la méchanceté, la bêtise, la mesquinerie n'a pas de frontières. Tu te rends compte? Ouais. Tu te rends compte? Avant de me prêter 10 000 euros, il m'a réclamé les 5 000 euros que je devais lui rendre l'année suivante. Attends, le prix d'il y a 5 ans? Ouais. Il a osé te demander ça? Ouais. Attends. Moi, l'année suivante, il ne les a pas réclamés. Moi, par pudeur, j'en ai pas reparlé. Bien sûr. Voilà que j'ai demandé un petit service, il m'en fout cette vieille histoire dans les dents. Attends, pendant qu'il y était, il avait qu'à demander de payer les intérêts. Hein. Ça, il aurait pu. Ouais. Ah, ça passe pas, Gérard. Ah, ça brasse là. Hein. Pleure pas, Monique. Ah, pleure pas. Oh, la vache. C'est la méchance des gens. Bah oui, qu'est-ce que t'as fait? Bah, tu me connais, je suis un homme d'honneur. Oui. Bah, tu me connais, je suis un homme d'honneur. Ah oui. Bon, alors donc, avec ces 10 000 euros, j'ai rendu ces 5 000 euros. Ah bah maintenant, je dois plus que 5 000. Oh, les cons! C'est des cons, hein, c'est des cons. C'est bien joué, ça. Oh, c'est trop fort. Oh, mais ça leur apprendra à casser du sucre sur le dos des autres. Non, c'est bien fait pour eux. Ils l'avaient bien cherché. Franchement, ils ne méritent pas, comme amis. Non, t'as bien fait de prendre la décision de plus jamais les revoir. Ça, jamais. Non. Oh, mais Loulou, on est en panne. Ah ouais, puis en pleine cambrousse. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix. Appelle nos amis. Mais lesquels? On en a que deux. Philippe et Josette. Bon, enfin, Gérard. Attends, rien ne nous empêche de redevenir leurs amis le temps qu'ils nous dépannent, puis après on les jettera à nouveau. Ouais, mais je suis bête, mais j'ai même pas pensé, mais bien évidemment. Attends, tu penses qu'ils vont dire oui? Bah, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à foutre à 2h du matin? Ouais, bah quand même, là, justement. Bon, attends, on va faire ça bien. Appelle-les. Parce que là, ouais. Et ta voix gentille, ouais, voilà. Ta voix gentille. Ouais, t'as raison. Ça sonne. Vas-y. Allô, Josette? Bien. Oui, c'est Gérard et Monique. On te dérange pas? Ah! On te réveille. Non mais écoute, figure-toi qu'on est tombé en panne. Bah écoute, on est près du calvaire, alors je pense que c'est à peu près 10 km de chez vous. Ah, 50 bornes quand même. Oh, on n'osait pas vous le demander. Oh, c'est trop gentil, hein. Bah, oui, mais écoute, on bouge pas, on vous attend. Josette. Et des amis comme vous, on n'en fait plus. Oh, c'est clair. Allez, à tout de suite. Oh, oh les cons. Bravo. Ah, puis faut le voir, hein. Il y a du visuel là. Ouais, c'est tellement vrai. Ben, c'est comme ça qu'on parle de toi, Bob. Hein. Ah, ouais. Quand tu t'en vas. Depuis qu'on a fait ce sketch avec Marie, mes copains qui sont venus voir, quand je leur dis au revoir, ils disent non, surtout dis rien. Moi, je leur dis au revoir et merci, ils disent non, surtout ne dis rien. Va-t'en, ils ne croient plus. Ils veulent plus maintenant. Alors la suite, c'est à l'Alambic Comédie. Ah, pardon. 12 9 de la chose. Chausse, Gégé, tes lunettes. Chausse. 12 rue Neuve de la Chardonnière, dans le 18e métro Saint-Plon. Donc la page Facebook, c'est Les Emmerdeurs. Voilà. Et j'imagine que sur la page Facebook, on peut connaître à l'avance toutes les prochaines dates en province. Et aussi en Belgique, pourquoi pas. On y retournera, j'espère, en Belgique. Ouais, oui. Bon, bah alors là, on s'est bien marré. Donc, juste après cette courte pause, après cette bonne partie de rigolade, je vais être obligé de vous mettre à nouveau à l'épreuve avec une épreuve qui s'appelle T'es pas cap. Avec des points à marquer. Ah, bah, voilà. Forcément, puisqu'il faut vous départager, 9 partout pour l'instant. Ouais. Donc, vous restez avec nous, on revient avec les emmerdeurs. Retour, on va se marrer avec Marie et Jean-Marc, alias les emmerdeurs. Ouais. Et alors, une question qui, c'est la première fois que vous jouez tous les deux ou vous aviez déjà commis avant? Enfin, on a jamais joué ensemble, non. Mais c'est un peu compliqué si on raconte. Retour, on va se marrer avec Marie et Jean-Marc, alias les emmerdeurs. Ouais. Et alors, une question qui, c'est la première fois que vous jouez tous les deux ou vous aviez déjà commis avant? On a jamais joué ensemble, non. Mais c'est un peu compliqué si on raconte, en fait. Marie, je l'ai rencontrée sur un tournage et il y avait une pièce de théâtre qui avait été prise par un festival que j'avais écrite et je cherchais un ange, mais un peu à la Foresti, quoi. Il me fallait quelqu'un qui a vraiment, du caractère et je trouvais pas. Et on fait ce tournage où on jouait à côté, on était figus, hein. Et j'entends Marie qui parlait, elle a une voix très particulière et du charisme, enfin quelque chose qui dégageait, qui me plaisait énormément. Elle fume beaucoup. Voilà. Et j'étais la voir et je lui ai dit, voilà, je lui ai pas dit que j'étais pris au Festival de Paris, je cherche quelqu'un pour jouer de ma pièce. Et elle a tout de suite encore un qui va essayer de me coucher avec moi. Il va essayer de me draguer. D'ailleurs, est-ce que vous avez couché ensemble? Non. Vous avez rien fait? Rien. Non, mais il est marié, je suis marié. Elle est mariée. Oui, mais ça n'empêche. Oui, c'est ce que j'avais dit. Mais on est en plus. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'être jaloux non plus. On est fidèles. On est très fidèles. Ouais, très fidèles. Et puis du coup, on met pas. Et heureux. Ouais, faut pas mélanger le cul, le travail, c'est compliqué après. Un mari. Oui, puis on est bien chez soi. Voilà. Chacun. Chez soi, chacun les vaches seront mieux gardées. Voilà, on est toujours mieux dans ces charentaises que dans des nouvelles chaussures qui font mal. Exact. C'est bien dit, ça. Sauf quand c'est des bras d'âge. Pour répondre à la question de Philippe, c'est donc la première fois que nous jouons ensemble. Voilà, c'est donc la première fois que Elle a joué une de mes pièces, une de mes pièces déjà. Et, oui, et... parce qu'elle n'a pas joué avec une de tes pièces. Non, oui. Il vient de t'expliquer, il vient de t'expliquer que non, ta pièce je confirme. Personne ne suit ce soir. Non, mais c'est Fred. Donc, j'ai une épreuve qui s'appelle T'es pas cap. Je vais vous demander, par exemple, combien à votre avis, êtes-vous capable de me donner de noms de villes dans les 20 villes les plus peuplées au monde? Il y a 20 villes les plus peuplées au monde. Ouais. Combien êtes-vous capable de m'en citer? Alors, les guignolos, combien? Non, tu sors pas tes antisèches. Il sort son antisèche. Tu sors trois tes antisèches. Regarde sur Internet. Dans les 20 les plus peuplées au monde, on en sait. Donc les villes, il y en a 20. Je vous demande dans les 20 premières. Dans les 20 premières, oui. Dans les 20 premières, parmi les 20 premières. Nous, on va en dire 4 alors. 4. On monte les enchères. Est-ce que les guignolos, vous êtes capables? 5. Oh là là, ça va faire fort là. On n'a pas de stylo, on n'a rien pour noter aussi. Non, non, une note aussi. Faut déjà réfléchir. Alors, dans les citations, je précise que nous accepterons 2 erreurs. Moi je dis 6, moi je dis. Allez, 6. Allez. 6 pour les emmerdeuses. Les guignolos. Mais non, ils n'y arriveront pas. Est-ce que vous avez plus de 6 villes? Attends, 2 minutes 7 quand même. 7. Oh merde. Les guignolos s'engagent à nous citer 7 villes parmi les 20 les plus peuplées du monde. On dit. Qu'est-ce qu'on dit? On dit 8, nous. Hein? Attends. 8 dans les 20, on va y arriver. Bah attends, faut qu'on trouve. Mais non, mais on va y arriver. Moi, je me désolidarise. Non. Oh non, t'es un bon joueur. C'est 8 pas sympa, quand même. C'est des villes connues. Bon, on dit 8 et on arrête. Ah bah. Non, ils diront 9. Et puis ils vont se planter. Non, mais alors 8. Allez, 8. Alors 8. Les emmerdeuses ont surenchéri. Non. À 8. 8. 9. Oh merde. Bon, moi je laisse. Vous vous débrouillez. Je vous rappelle que Frédéric est très bon joueur, bien entendu. Un point est un point. Ouais, non, moi je dis non. Alors pour l'instant, donc vous. Attends, et s'ils perdent, s'ils perdent, c'est vous. Le point est pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez dit 9. Alors on y va. On a dit 9. On a 9. Alors 9, je vous rappelle que nous acceptons deux erreurs, mais qu'il me faudra quand même 9 villes parmi les 20 villes les plus peuplées au monde. En combien de temps, Philippe ? En moins de 2h15. Est-ce que vous êtes prêts ? Oh, Bob ! Vous êtes Bob ! Oui, on est prêts, ouais. Allez, c'est parti, 9 villes parmi les 20 plus Comment s'appelle la ville chinoise qui est super. Alors, et on vous écoute. Hein. Shanghai. Le chrono est parti, les gars. Alors, Shanghai. Une. New York. Deux. Mexico. Los Angeles. Los Angeles. Trois. Mexico. Attendez. Quatre. Le Caire. Cinq. Londres. Londres, c'est votre première erreur. Bangkok. Bangkok. Oui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pékin. Pékin. Pékin, c'est votre deuxième erreur. Vous n'avez plus droit Tokyo. À Tokyo. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vous en faut encore 2. Et vous n'avez plus droit à New Delhi. Oui. Il en manque 1. Colombo. Sur quelle chaîne? TV Braise. Colombo n'est pas dans les 20 plus grandes villes du monde. Vous avez échoué. Ouais. Est-ce qu'il y avait Rio? Jakarta. Oui. Je crois qu'il y avait Rio. Jakarta oui. Doit y être, par contre. Il y avait Jakarta, ouais. Bombay, Sao Paulo, voilà, Séoul, Bombay, Manille, Calcutta, Osaka, Moscou, Istanbul, Buenos Aires, Buenos Aires, Karachi et Dhaka. Dhaka, oui. Calcutta, c'est ce que t'as dit à ta femme. Oui. Donc le point vous revient. Ouais. Merci. Ouais. Merci les guignolos. Merci les guignolos. Bravo. Oh, merci. Bravo. On le prend avec grand plaisir. Bravo. Et pour les remercier, je pense qu'une petite tournée de blagues s'impose. Oui. Ah oui. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Et comme d'habitude, on commence par une petite blague de Maurice. Pourquoi les souris font ni-ni-ni? Mais putain, c'est pas vrai, Maurice. Qu'est-ce qu'ils font, les souris? Elles font rien. Mais elles font rien. Non, pourquoi les souris ni-ni-ni? Non, il y en a un trop. Il y en a un trop. Bah oui, bah oui. Il me regarde avec son air de ravi de la crèche. Bah oui, tu la racontes mal, tu la racontes mal, qu'est-ce que je te dise. Regarde les invités, on t'a déjà expliqué. Ça me trouble. Oh, bah alors Maurice. Je pensais qu'il t'en fallait plus. Allez. Pourquoi les souris ni ni ni? Parce mais que les rats. Maurice, lisse cabarquen. Pourquoi les souris ni ni ni? Non, non, il n'y a que deux ni ni. Je te dire, s'ils veulent faire passer la loi pour l'euthanasie, tu l'emmènes au Parlement. Elle passe tout de suite. Ils votent tous à l'unanimité. Pourquoi les souris ni ni? Oui. Dop, dop. Voilà. Pourquoi les souris ni ni? Bah, ah, voilà. Alors pose, gars, pose la question. Alors demande à Gwen. Pourquoi les souris ni ni? Parce que les rats gna-gna. Voilà. Oh là là là. Oh là là là là là. C'est pas facile. Non mais c'est bien quand il est pas là parce que je suis plus calme. Oui. Alors GG. C'est un peu votre Castaldi de l'émission. Oui, ça c'est. Oh, c'est pire que ça. Deux gynécologues déjeunent ensemble. Oh là là. Je crains le pire. Oui. Le premier dit « Ah, ce matin, j'ai une patiente avec un clitoris gros comme un cornichon. »« Ah bon? Aussi gros ou aussi vert ?» répond l'autre en rigolant. « Aussi aigre. Ah » ah quelle horreur. Docteur, docteur, j'ai des trous de mémoire. Que dois-je faire? Me payer d'avance, madame. Ah, c'est pareil, c'est Georges Moustaki au niveau de la barbe. Alors, pour faire plaisir à ses parents, Moshe s'est lancé à la recherche d'une future épouse. Une jeune femme, prénommée Sarah, a retenu son attention, mais pour être sûr de son choix, veut la soumettre à l'œil expérimenté de sa mère. Alors, un dimanche, profitant que son père descend à la cave pour chercher une petite bouteille de pinard, Moshé, ce qu'on fait à sa mère. Hey, maman, hey, oh, hey, je vais me marier. Quoi? Tu vas te marier avec qui? Ah, avec une femme, avec qui? Avec, ah, ben, j'espère bien, mais laquelle? Alors, Moshé, du coup, a amené des photos. Il étale 6 photos sur la table. Et au milieu de ces 6 photos, il y a, bien sûr, celle de l'élu de son cœur, celle de Sarah. Alors, maman, dis, regarde, regarde ça. D'après toi, c'est laquelle? Je sais. C'est celle du milieu, c'est celle-là. Oh purée, comment t'as fait, purée? Mais c'est pas possible, ma mère, c'est pas possible. Mais comment t'as deviné? C'est facile, c'est la seule que j'aime pas. Bah, on va rester dans la thématique parce que c'est une belle-mère qui a 3 gendres. Et comme elle veut un peu les soumettre pour savoir à l'épreuve, pour savoir lequel de ses gendres l'aime et lequel de ses gendres ne l'aime pas, elle leur fait une petite épreuve. Elle va se balader avec son premier gendre au bord de l'eau et elle tombe à la flotte. Le gendre saute tout de suite pour sauver sa belle-mère, etc. Il la ramène sur le bord de l'eau. Et, bon. Le lendemain, il a une 307 flambant neuve devant chez lui avec un petit mot. Merci de la part de ta belle-mère qui t'aime. Bien. La semaine d'après, elle refait l'expérience avec son deuxième gendre. Elle tombe à l'eau et là, le gendre, il se met au bord, il tend la main, il la rattrape, il la sort de l'eau. Le lendemain, il a une 307 flambant neuve devant chez lui avec un petit mot. Merci de la part de ta belle-mère qui t'aime. C'est Peugeot qui te paye. La semaine suivante... La semaine suivante, alors il a une Laguna, si tu préfères. D'accord. La semaine suivante, elle refait l'essai avec son troisième gendre. Elle tombe à la flotte, l'autre ne fait rien et elle se noie. Ah. Le lendemain matin, il a une Porsche rutilante devant chez lui avec un petit mot, merci de la part de ton beau-père qui t'aime. Moi, j'en ai une plus subtile quand même. Pourquoi les femmes aiment faire l'amour le matin? Je ne sais pas. Pour partir avec quelque chose de chaud dans le ventre. Ah oh oh oui, t'as raison, c'est plus subtil. Oh, je l'adore. Alors, une jeune fille de la campagne vient faire acte de candidature spontanée chez Madame la Baronne de Melouk pour une place d'employé de maison. Madame la baronne lui dit, pour la rassurer, « Vous verrez, mademoiselle, je ne suis pas très difficile. » La jeune fille répond, « Oh, mais je m'en étais doutée, madame. J'ai aperçu monsieur en sortant. C'est Morissette. » C'est Morissette. En sortant, c'est pas grave. Elle a vu monsieur, quoi. Bon, eh bien, juste après cette courte pause, nous allons essayer de vous départager, car c'est difficile ce soir. C'est pas facile. Ah, c'est difficile. Avec une nouvelle partie... de la main passe. Ah. Et cette fois-ci, Bob va être content car nous allons essayer de trouver un pays. Ah. Et Bob est très fort en géographie. Donc restez avec nous, on revient avec les emmerdeurs. Ouais. Ouais. Ouais. Retour d'On va se marrer avec l'équipe de la pièce Les emmerdeurs à Paris. Marie et Jean-Marc avec nous. Alors, on vous a pas posé la question encore depuis le début de la soirée, mais ça, les auditeurs aiment bien. Est-ce que vous avez pas une petite anecdote à nous raconter? Une galère, un soir de spectacle, un spectateur un peu acariâtre, ou une réaction un peu particulière? Si, l'autre fois. On en a eu, parce qu'en fait, au début du spectacle, Marie arrive et elle rentre dans le public, elle fait semblant d'être du public et elle téléphone. Elle fait oui, allô, pardon, ça a pas commencé, et elle bouscule les gens, elle pousse les gens. Elle les dégage complètement, ils sont obligés de se lever. En fait, voilà, je leur demande de se lever. Quoi. Première anecdote, déjà, il y en a certains qui me font des croche-pieds. À la base, ils devraient me laisser passer. Il y avait un monsieur une fois qui a engueulé Marie, il a dit. Ah oui, il a cru que j'étais vraiment une personne qui parlait à mon téléphone et il a fait non, mais c'est quoi ce bordel? Donc, j'éteignais votre portable, voilà. Mademoiselle, et donc il y a sa femme qui lui a fait signe. Non, mais c'est pour le jeu. Et donc voilà, elle fait ça, elle s'en va, et moi j'arrive sur scène et je me rends compte que dans l'histoire, Marie doit être là, elle est pas là, donc je suis paniqué, je vais dans les coulisses. On entend une bande son où genre elle sera pas là avant. Et voilà. Donc moi j'arrive sur scène et je dis voilà, suite à un problème technique, le spectacle va être retardé de quelques minutes. Et là il y avait un couple de personnes âgées qui étaient là et la dame qui sincèrement qui me regarde, il me dit ça va être long. Et donc je la regarde, je dis je sais pas, c'est un problème technique. Et elle regarde son mari, il dit oh c'est trop long, on s'en va. Et je dis vite, faut que j'enchaîne parce qu'ils vont se casser. Ça, c'était mémorable. Marc, si tu les enchaînes, ils partent pas. Hein. Ah, là, oui. Bon, alors, donc, je vous l'avais promis, c'est une autre épreuve. Donc, c'est une deuxième partie de la main passe pour essayer quand même de vous départager, parce que pour l'instant, vous êtes très proches. Et donc, cette fois-ci, on va essayer de vous faire trouver un pays. Ah. Tout à l'heure, nous avons commencé par les emmerdeuses. Cette fois-ci, nous allons commencer par les guignolos. Et Bob, attention, est très, très fort En géographie, je vous le rappelle. Ouais. Bob, est-ce que tu es prêt ? Non. C'est parti. Stop ! Top ! Je suis un état d'Europe du Sud. Je couvre 25 713 km², une surface comparable à celle des Pays-Bas. Je suis essentiellement montagneux et je compte 34 sommets s'élevant à plus de 2000 mètres d'altitude. 2000 mètres ? 2000 mètres d'altitude. Oui. T'as une idée ? Non. Andorre ! La main passe. Ah oui. Andorre, c'est aussi grand que les Pays-Bas, oui. Est-ce que vous avez entendu le petit cri de Bob? La main passe. Allez. Top. Mon point culminant est le mont Korab, qui atteint 2764 mètres d'altitude. Je compte aussi des collines, des plateaux, des ravins et des vallées fluviales, sans accès à la mer. Ah, bah alors, sans accès à la mer. À Europe, il y a la Suisse. Non, Europe du Sud, il est. Oui, enfin, c'est plutôt dans le sud. Par rapport à Paris. Oui. C'est-à-dire que quand tu la regardes de la Suède, oui, c'est ça. C'est au sud. Oh, ça va. Oh. Attends, l'Europe du Sud. Avec des montagnes. Non, mais il y a quoi ? Il y a Malte. Attention, j'ai pas dit que c'était pas ça. Hein. Qu'après, non, je vais pas avoir de j'ai pas dit que c'était non, ça. Non, mais donne-leur la réponse, Antillais. Pas du tout. Non. Mais j'ai pas dit que c'était pas ça. Hein. Je vous laisse réfléchir. T'avais dit quoi ? On dit ce qu'on veut. C'est petit, donc. Pays-Bas, votre égard. Oui, t'as dit Malte. Oui, mais il y a Malte, il y a les États comme ça. Dans le sud. Mais sud, sud. Attends, pas d'accès sur la mer. Pas d'accès à la mer. Oui, alors Malte, ça va. Malte, t'as pas accès à la mer. Non, du tout. Non, c'est grillagé. Il y a des miradors. Tu peux pas y aller. Non, la Suisse. Il y a des radars entiers, mais c'est montagneux. Il y a des ravins. Il y a des ravins, oui. Oh, regarde Altrige. Elle cherche une carte dans son agenda. Voleuse. Bon, allez, disons la Suisse. On va regarder la suite. La Suisse. Ouais, la Suisse. La main repasse. Bah oui. Top. Je suis bordé au sud par la Grèce, à l'est par la Bulgarie, au nord par la Serbie et le Kosovo et à l'ouest par l'Albanie. Ma capitale et plus grande ville est... J'allais dire Albanie, mais c'est pas ça. Attends. Au sud par la Grèce... Il y a la Bulgarie à l'est. Oui, mais la Bulgarie a accès à la mer. Oui, la mer donc noire. Ça peut pas être la Bulgarie, puisqu'elle est noire. Sur la Bulgarie. C'est pas la Hongrie. Non, la Hongrie, c'est le Kosovo, il l'a dit. Oui, il l'a dit. Ah, oui. Et la Macédoine. La Macédoine. Ah bah voilà. Macédoine. La Macédoine et la main ne repasse pas car c'est la bonne réponse. Voilà. C'est un truc de l'ancienne Yougoslavie, alors je sais pas c'était du. Quelle salade. Et alors, est-ce que tu connais le nom de la capitale? Petit point. Non, alors. Tiens, je te l'ai entouré, je te propose de nous le dire. Bob. Ça s'écrit comment? Skopje. Skopje. Ah oui, bah, bien sûr. Skopje. Ouais, ça s'écrit Skopje. Oui, mais on prend beaucoup de clichés là-bas. On prend des photos Skopje. Voilà. Les comiques. Oh là là. Donc on a gagné là. Un point marqué encore à votre détriment. Allez, les amis. Attendez, on était à combien? Alors là, j'applaudis sincèrement parce que jamais j'aurais trouvé la masse. Donc tu as tout à fait raison, Jean-Marc. Il y a bien 10 points partout pour l'instant. Là, je suis vraiment très. Je suis ennuyé, mais au plus haut point. Ils sont mauvais joueurs en face. Oui, très mauvais joueurs. Très mauvais joueurs. C'est une mauvaise foi. Très mauvais joueur. Et encore. Cette semaine, Maurice n'est pas là. Oui. Habituellement, il est là et il nous fait un jeu qui s'appelle la photo mystère. Ah oui. Et là, je dois vous dire que dans le cadre de tricherie monumentale, cette équipe à ma droite, vous allez l'entendre puisqu'on a retrouvé les archives. Les guignolos. Regardez, écoutez cette photo mystère de Maurice qui doit faire découvrir une photo qu'il a devant lui. Et c'est toi, Maurice, qui dit top chrono pour éviter toute contestation. T'es prêt, GG? Oui. On y va. Alors, top chrono. Une idée, j'ai la première photo mystère souplie cachetée pour 10 secondes des infos pour ton équipe. Moi, je le vois d'ici, Maurice. Top chrono. Allez. Alors, qu'est-ce que je donne ? Des infos pour ton équipe. Ah, des infos. Ah, bah, qu'est-ce que je donne ? Des infos. Alors, c'est un film. C'est fini. Alors, tu as dit, qu'est-ce que je donne ? Des infos. Qu'est-ce que je donne ? C'est un film. C'est un film. Super. Merci, Maurice. Donc, c'est un film, Bob. Ouais, une réponse. Un film. Quai des Brumes. Non. La main passe pour 10 secondes ça pour vous. Rodriguez au pays des merguez. Non plus. Alors, Maurice, pour 10 secondes, de nouvelles informations. Et là, profite de tes 10 secondes pour ton équipe. Attention, top. Alors. Merci Maurice. Non mais parce que les 10 secondes commencent et au moment où le chrono part, Maurice lève la tête en rêvassant en disant alors qu'est-ce que je pourrais dire. Non, alors. Non, non, non, non. On va lui relaisser 10 secondes. Alors Maurice, je te laisse 10 secondes là. Attention, pour des infos importantes, pour ton équipe, le poids est en jeu. Top. Oui, eh ben. Alors, c'est. Non, chut, Bob, chut. Alors, chut, arrête, Bob. Allez, Maurice. C'est un film. Toujours un film. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il a été lobotomisé, c'est pas possible autrement. Ah, excellent. Le pire, c'est que. Quand non, on veut écouter ça, à n'importe qui, tout le monde dit il fait exprès. C'est pas c'est, eh ben non. C'est extraordinaire. C'est ça qui est drôle. Hein. Ouais, oh, non, ce serait pas drôle. C'est extraordinaire. Oui. Mais tout le monde le veut. Oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est à nous, voilà. Donc on le garde. Ah, oui. Et il sera là la semaine prochaine avec une nouvelle photo mystère et de nouvelles blagues. On viendra avec Maurice. Bon, alors, par contre, photo mystère, je croyais que tu allais nous passer le concombre. Ah oui, mais celui-là, on la connaît par cœur. Parce qu'il y avait un concombre à faire découvrir. À un moment, il dit comme indice, on peut aussi le manger par la bouche. Voilà. Je ne sais pas à quoi il pensait ce jour-là. Bon, allez, restez avec nous car les emmerdeurs, vous n'avez pas fini d'en voir des vertes et des pas mûres. Frédéric nous le sort dans quelques instants en semaine. Direct. Rassurez-vous, ce n'est que son petit quiz. Restez avec nous, on revient avec les emmerdeurs. Retour d'On va se marrer avec les emmerdeurs alias Marie Monchâtre et Jean-Marc Magnoni. C'est long. Alors les amis, maintenant ça, là on ne rigole plus puisque c'est Frédéric qui, comme chaque semaine, nous le sort. C'est pas très radiophonique. Hein. Son petit quiz. En général, c'est un petit quiz musical, un blind test. Vous avez des papiers devant vous, il faudra noter les interprètes que vous reconnaîtrez. En général, comme d'habitude, il y en a 8. Tu me poses la question toutes les semaines, je te réponds 8 toutes les semaines. Donc en général, j'essaie de faire en rapport avec les invités ou avec leur spectacle, etc. Donc là, c'est 8 chanteurs ou chanteuses qui prononcent le mot emmerde, emmerdeur, emmerdement, etc. C'est autour de ça. Voilà. D'accord. Il y en a 8. T'as bossé. Et Bob va nous dire, bien sûr, quel est le premier extrait. Ah, bah là, je le sais. Oui. C'est le jingle. Ah, voilà, merci. Voilà. En sacrifiant, c'est d'abord, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Tu trouves ça peut-être politiquement correct, mais moi je t'emmerde. Et j'emmerde les duchesses, je monte sur les tables et je fais voir mes fesses au banquier des notables. Et j'emmerde le roi. Je suis un emmerdeur, un libre penseur, juste la lame entre les portes qui mène au bonheur. Je vois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Est-ce qu'on s'emmerde le dimanche quand il s'agit pour nous de leur prouver. Sentimentalement, démissionnaire, professionnellement, suicidaire. Tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. Misogyne, y a pas. Le sage avait raison, il y a les emmerdantes, on en trouve à foison. Alors je vais vous dire, je suis très content parce que j'ai glissé un piège dedans et j'ai vu Gégé qui est tombé dedans, mais alors les deux pieds en même T'es temps. T'es sûr? Ah oui. J'ai vu parce qu'il a soufflé le nom à Bob. Ah. Et c'est ah oui, non, non, non, il m'a pas soufflé. Il m'a dit, je crois que c'est. Ouais, voilà. Et c'est pas du tout ça parce qu'ils ont la même voix. Ah. C'est le numéro 4. 5. Ouais. Bon, alors. 5, 5, je n'arrive pas. Marie et Jean-Marc. Alors, moi, j'essaie de faire pour toutes les générations, hein. J'essaie de faire pour Bob et pour les autres. Alors, vous en avez combien? Alors, moi, j'en ai 3, 6. Oh, bravo. Ouais, moi, j'en ai 6 parce que j'ai copié 1 sur Marie. Voilà. Allez. On va faire comme Maurice. Il n'est pas là cette semaine, mais on va faire comme Maurice, on va le décomposer. Oui, allez. Pour les invités d'abord. Priorité aux invités, bien sûr, pour donner les réponses. Pour le premier, c'est quand même très facile. Ah oui. Ouais. On le dit ? Ouais. Ah oui, oui. Aznavour. Eh oui. Benabar. Eh oui. Ah oui. Il manque les serviettes. Vas-y à toi, Patrick Sébastien. Eh oui. Comme avait dit une de nos invitées un jour, c'est tes goûts personnels. C'est mes goûts musicaux. Alors là. Attends. Elle est connue cette voix. Bravo Gégé. Bravo, je l'aime bien. Alors ça c'est alors, Gégé. Je pensais que c'était Philippe Catherine, mais apparemment ils c'est pas. Ils ont la même voix. C'est beaucoup plus vieux. Ouais, c'est vachement ouais, c'est vieux ça. Ça, ouais. Pense à Saint-Germain-des-Prés. Ah oui. À un trompettiste. Oui. Boris Vian. Bravo. Ah wow. C'est lui. Ah, je savais même. Le 6. Sardou. Bravo. Ah, Sardou. C'est Sardou. Ouais. Et ben c'est Philippe Catherine. Voilà. C'était Philippe Catherine. Bravo. Et bon, c'est vrai que la voix de Boris Vian ressemble un peu à la voix de Philippe Catherine. C'est vrai. Moi j'ai la 8. Oui, la 8, on va la laisser à Bob. Ouais, ah bah oui. Moustaki. Non, Brassens. Eh oui. Sors de ce corps, Maurice. Bon, ben, je pense qu'on peut largement applaudir nos invités. Ah, qui a été brillant ce soir. Ah, bravo monsieur, à nos invités. Monsieur dont salut, c'est extra. Eh oh. Ah, ben oui, justement. Et mes acclamations à moi. J'avais oublié. Les acclamations de Don Salut. Ah, ben quand même. Alias Frédéric Coster. Viva Don Salut. Viva. Monsieur Eric. Oui. Il m'acclamait pas. Mais non, j'ai l'impression que non. Hein. Bah, si, je l'acclame. Ah, bah, si, vous acclame. Et puis, je fais des compliments. Ah, ah. Oui. Monsieur Svelte. Voilà, oui, bah, c'est ça, pas c'est des mensonges. Alors, on arrive en fin de partie. Ah, car oui. Car oui, vous avez marqué des points. Émission. Et je dois dire que les guignolos, vous avez bien guignolé ce soir. Ah, ouais. Car Bob et Gégé, vous avez donc capitalisé 10 points. Bravo. Vous êtes donc des capitalistes. Beau. C'est moche, ça. Et l'équipe des emmerdeuses ont bien joué aussi ce soir. Hein, mais combien? Car ils ont marqué 10 points également. Ouais, eh oui, alors là, ça, c'est beau. Ce qui est dommage, c'est que ce soir, il manque Maurice oui, pour obligé de revenir. Alors comme Maurice habituellement est dans votre équipe, moi je propose quand même qu'on fasse faire une partie de ni oui ni non à Maurice pour vous départager. Il n'est pas là. On va voir s'il arrive à ne pas dire oui ni non. Au hasard. Pour une petite partie de ni c'est oui marrant, ni non. On se croirait à la campagne électorale. Qui ne doit dire ni oui ni non, non pendant une minute. Tu ne dis rien. Top chrono. Ça va Maurice? Je suis désolé. On a été un petit peu dur. On a un petit peu chahuté. Ça va? Ça va quand même? Oui. J'ai été un invité sympathique. Ça va, ça allait. Très charmant. Et Maurice, ce qui est sûr, c'est qu'il ira à la petite loge. Tu iras à la petite loge, Maurice. De gré ou de force? Là, à la petite loge, deux rues de la Bruyère. C'est ça. Métro Saint-Georges. T'es sûr? Ligne 12. Non, ligne, de... ligne 9. C'est la ligne 9. Non, c'est la 12. Ah non. Et toi, tu... Ah, Eh ben voilà. Donc... C'était notre invité ce jour-là, c'était Jean-Louis Tilburg. Eh ben écoutez, donc on doit dire que c'est l'équipe des invités qui a gagné, puisque Maurice a encore échoué au niveau du nom malgré lui. Merci Maurice. Donc c'est ah, non, non. Mais enfin bon, on va quand même vous dire que vous avez très bien joué, GG. Ah oui, là et c'était Bob, quand même, c'était un très joli match sur le fil. Ah, c'était un bien joli match. Donc on n'a plus qu'une seule chose à dire, c'est à nos auditeurs d'aller vous applaudir. Ben GG, il est où pour la promo? C'est à l'Alambic. 12 rue 9 de la Chardonnière dans le 18e métro Saint-Plon, Alambic Comédie. Donc Alambic les dimanche soir à 20h30 et les lundis à 20h. Voilà. Très bien. Voilà. T'iras aller voir, Gégé, tu t'es bien marré tout à l'heure. Ah, j'ai bien rigolé et je vais aller les voir, bien évidemment. C'est jusqu'à quand? Ah bah là, c'est prolongé. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais, là, c'est prolongé. J'ai vu comme ça cartonne bien. C'est sûr, on y sera. Et puis, alambic-comédie.com pour avoir donc toutes les infos et les réservations sur le site du théâtre. Voilà. Et la page Facebook, bien sûr, pour vous suivre. Mais oui, voilà. Vous suivrez où on va en province. On vous tiendra au courant. On va même partir en Suisse. Ton micro est là. Ah, pardon. Et on vous attend nombreux. Eh ben, on vous remercie. On a bien rigolé. Merci. Bah, nous aussi. Bravo, Jean Berbert. Merci beaucoup. Merci à Marie Monchâtre et Jean-Marc Magnoni. Ouais. Merci à vous. Des choses très importantes à noter. L'émission sera sur iTunes. Si vous voulez avoir le podcast, vous tapez On va se marrer sur iTunes. Si vous avez raté nos anciennes émissions, c'est sur onvasemarrer.com. Mais c'est pas grave, nous aussi on les a ratées. Et puis là, la page Facebook de l'émission On va se marrer pour avoir non seulement les photos de l'émission, mais les infos de tous nos invités. Voilà. Merci de votre patience. À la semaine prochaine. Ouais. Merci. Bravo.